ces mots. Je laisse déferler les justes comme il faut. Si tu savais comment je rêve, sans doute un peu trop. Mais ces mots sont simples, ils te colleront à la peau. Ces mots seront courts et j'espère les beaux. Soit si possible habillé de douceur, ensemble assortis de différentes couleurs, ils viendront toucher en secret ton cœur. Élèveront de l'œil en dehors de toute heure, pour te conduire dans un sublime état de bonheur. Comme